Chapitre 284. L'interdiction pour le riche de s'attarder à rembourser une dette ou à restituer un dépôt à son ayant droit qui le réclame. Allah Ta'ala dit: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Sourate 4, verset 58. Que celui à qui on a confié quelque chose le restitue. Sourate 2, verset 283. 1611. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit que le riche s'attarde à restituer ce qu'il doit est une injustice. Et si le débiteur de l'un d'entre vous demande que sa dette soit transférée vers une personne qui a les moyens de la rembourser, qu'il l'accepte. Al-Bukhari et Muslim. 1612.